sors les miens. J'suis dans mon bolide, et j'me mets bien. Sors ton bolide, sors les miens. J'suis dans mon bolide, et j'me mets bien. J'vois qu'on est qui tu réponds, tu files les pleins. J'me dois des baisers pour le fun et pour les miens. J'vois qu'on est qui tu réponds, tu files les pleins. J'me dois des baisers pour le fun et pour les miens. Ils savent plus quoi faire, tous les miens t'effraient. J'suis dans le vaisseau mère, yeah, yeah. Qui veut faire la guerre, j'suis fucked up en secret. Tu veux le feed, bah paye. J'rôde dans la ville, tous mes dieux qui bougent la tête. Elle veut me faire la bise, mais ça chasse plus des aisselles. J'suis dans la voiture, j'papote avec manager. Auras-tu le temps de prier quand ça sera ton heure? J'fais mes bails, j'parle en Kerry, I'm from Kelly. J'veux vivre ça à une villa en Italie. On se connaît pas, me sers pas la main, fuck ta cheese. Mais j'mérite grave d'être au début de la liste. Sans bouteille, sans négro, sans blaze. Quête le flow, j'fais ça pour les real dames. J'me régale, j'dégage tous ces faux frères. J'fais mes bails, fuck le reste, fuck them. Accélération, porte papillon, j'suis dans la rarie. J'manie les mélos, rien que je déconne, ils croient que j'suis un petit. Et c'est pas de poucave, le cas échéant, on va te bannir. J'ai pas de diplôme, mais j'te dis que t'es mort, et t'es c'est après. J'sors le mien, j'suis dans mon bolide, et j'me mets bien. Sors ton bolide, j'sors le mien, j'suis dans mon bolide, et j'me mets bien. J'vois qu'on est qui tu réponds, tu files les pleins. J'me dois des baisers pour le fun et pour les miens. J'vois qu'on est qui tu réponds, tu files les pleins. J'me dois des baisers pour le fun et pour les miens. Forcé de les finir dès le départ, j'les baisse dès le premier track. Forcé de les finir dès le départ, j'les baisse dès le premier track. Et je dédicace les vrais, les faux, je les laisse sur le côté, rien à battre. Je suis dans le bat, que des races à cuisine dans le laboratoire. Je me rappelle quand y'avait R, quand y'avait même pas à boire. Mais bon, on a assez de billets, maintenant ramenez-nous la gloire. Elle dit c'est quand qu'on sort, rejoins-moi au coffee shop, yeah. Il n'a pas de cost, qu'il doit aller prendre poste, yeah. La rouge, je la vois lent comme la peine de Mandela. Y'a que des vrais gars, c'est réel. Sors ton bolide, sors le mien. J'suis dans mon bolide, et j'me mets bien. Sors ton bolide, sors le mien. J'suis dans mon bolide, et j'me mets bien. J'vois qu'on est qui tu rêves, où tu files plein. J'me dois des baisers pour le fun et pour les miens. J'vois qu'on est qui tu rêves, où tu files plein. J'me dois des baisers pour le fun et pour les miens.